My lady lover come like gum, just to mama love fire, just put you come back up the rock. My lady lover come like gum, just to mama love fire, just put you come back up the rock. My lady lover come like gum, just to mama love fire, just put you come back up the rock. My lady lover come like gum, just to mama love fire, just put you come back up the rock. Oh beautiful lady, tu m'inspires cette mélodie en te regardant la nuit, te trouvais plus jolie. Oh beautiful lady, couvert d'une couette, ton body t'es des sorts sexy, rien t'a mis dans la vie. Oh beautiful lady, princesse de minuit, queen, la journée t'es le plus beau cadeau de la vie. Oh beautiful lady, te nourris l'envie, t'inspire mon esprit, je remercie Almighty. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. Aux femmes naturelles, je remercie l'éternel, pas besoin d'artificiel pour que tu sois la plus belle. Beauté charnelle, tu me donnes des ailes, princesse non virtuelle, l'amour est bien réel. C'est pour cela qu'on sent sa remercie pour la femme, l'amour est la plus belle des cames. C'est pour cela qu'on sent sa remercie pour la femme, l'amour est la plus belle des cames. Aveuglé par cette beauté distance pour contrôler, depuis qu'en temps passé elle a toujours été sacrée. Un quand elle a remporté princesse, oui elle est déconsidérée, toujours seule pour poser. Aveuglé par cette beauté distance pour contrôler, depuis longtemps temps passé elle a toujours été sacrée. Un quand elle a remporté princesse, oui elle est déconsidérée, toujours seule pour poser. My lady lover, my lady lover, my lady lover. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux succomber qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux succomber qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux succomber qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux succomber qu'à tes bras. C'est le plus beau cadeau de Jean, de son, sans la femme là. You're pas de Rasta, you're pas de Scarla, you're pas de Gangsta, you're pas de Rita, you're pas de Tita, you're personne là, you're pas toi et moi. Respect la sista, my lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. My lady lover comme la ganja, tu m'aimes la fire, tu peux te combler qu'à tes bras. Why, my lady lover. R.A.S.T.A. revient chanter aujourd'hui là pour sa lova, pour sa lova. Tchou! Rastafari, blessing love.